Chapitre 9e. Le salon de Madame von Eylau présentait une réunion peu nombreuse, mais choisie. Autour d'un guéridon placé au centre de l'appartement, étaient assises plusieurs dames, les unes cousant modes et chiffons, les autres faisant de la tapisserie. Quelques hommes, disséminés sur le canapé et les fauteuils, étaient engagés dans des conversations particulières. L'entretien n'était ni général ni très animé. À côté du guéridon, une seconde table avait été dressée pour le thé. Une troisième était occupée par quatre personnes qui jouaient au Boston. Enfin, à une quatrième, deux personnes seulement faisaient une partie d'échecs. « Il est plus de 9 heures, » dit Madame von Eylau en s'adressant à Feldern, qui figurait beaucoup mieux dans un salon qu'auprès d'une jolie fiancée. « Oui, il est plus de 9 heures et je ne vois point arriver la comtesse Obornau. » « Passez donc chez elle demain matin, Monsieur Feldern, et grondez-la sévèrement de ma part. »« Elle est peut-être indisposée, » répondit Feldern en se donnant des grâces. « Songez donc, Madame von Eylau, je ne voudrais pas me charger d'un message. »« Elle n'est pas indisposée, mais sauvage, sourde aux bons conseils et n'agissant qu'à sa tête. »« J'irai demain savoir de ses nouvelles. Je l'aurais fait aujourd'hui même si je n'étais revenu trop tard de la campagne. »« À propos, Monsieur Feldern, » « Vous avez été absent pendant une semaine entière. Comment se porte Mademoiselle Charlotte ?»« Mieux, beaucoup mieux, je vous remercie, » dit le tranquille Feldern. « Elle est en pleine convalescence. »« Et votre mariage ?» poursuivit Madame von Eylau. « Votre mariage aura-t-il lieu à l'époque indiquée ?»« Mon Dieu, madame, j'ose à peine l'espérer. »« Mademoiselle von Stein est encore bien faible et ce mot de mariage... »« L'épouvante, comme toutes les jeunes filles. » Mais comme toutes les jeunes filles, elle se familiarisera avec cette idée. C'est un soin qui vous regarde, Monsieur Feldern, de la patience, vous en viendrez à bout. » L'attention du salon, un moment éveillée par ce dialogue, se détourna bien vite vers un autre sujet. « Décidément, dit une dame, la Devrient perd sa voix. À la dernière soirée, elle était faible dans le rôle de la Norma. Aussi l'a-t-on reçue très froidement. « Quel dommage, remarqua une autre, elle était superbe dans ce rôle. » « Cette indifférence du public a dû l'affecter bien péniblement, » ajouta une troisième. « Sans doute, » répliqua celle qui avait entamé ce sujet. « Le public eût mieux fait de l'encourager par ses applaudissements. Elle aurait peut-être recouvré la plénitude de ses moyens. » La malibrante doutait toujours d'elle-même, jusqu'à ce que des marques bruyantes d'approbation vinssent la rassurer. « Quelle triste existence, après tout, que celle de ces grands artistes !» s'écria un vieux baron. Ils dépendent des caprices d'un public exigeant et ingrat. Le peintre et le sculpteur peuvent en appeler au jugement de la postérité, qui souvent les venge des dédains de leur siècle, mais pour l'acteur et le chanteur, il n'y a d'autre tribunal que celui de leurs contemporains. En ce moment, la porte du salon s'ouvrit, et l'on vit paraître Faustine. Comme toujours, son arrivée produisit une sensation marquée. Le mystère qui enveloppait ses relations avec Andlau, l'excentricité de ses manières, de ses habitudes et de ses goûts, la solitude où elle se renfermait, et ce qui avait transpiré de l'excès de sa douleur, tout piquait la curiosité. La comtesse s'avança avec cette démarche noble et gracieuse qui lui était propre. Elle était vêtue de blanc. Une pâleur intéressante était répandue sur son visage et voilait le doux éclat de sa beauté en y jetant comme une teinte de tristesse. Elle alla s'asseoir auprès de Madame von Eylau, qui lui prit les mains et les lui serra tendrement. De là, elle échangea les civilités d'usage avec ceux des assistants avec lesquels elle était le plus intimement liée. Cependant, une des deux personnes qui jouait aux échecs avait levé les yeux au bruit de l'entrée de Faustine et l'avait reconnue. C'était le comte Mario de Mengen. Il la regarda avec une attention dont il ne se rendait pas bien compte à lui-même. Mais en ce moment, il était accaparé par une dame anglaise, Lady Geraldine, femme qui avait été jadis fort belle et qui prétendait l'être éternellement. Lady Geraldine était passionnée par le jeu d'échecs et n'excusait chez son partenaire que les distractions dont elle était cause. Le mouvement qu'avait fait Mario ne lui avait pas échappé. Elle invita celui-ci, d'une voix aigre-douce, à veiller un peu plus sur sa dame que deux cavaliers aventureux menaçaient. Le pauvre Mario baissa la tête sur l'échiquier et se résigna. Mais s'il ne regardait plus, il écoutait. L'arrivée de Faustine avait mis fin aux conversations particulières. L'entretien était devenu général. La comtesse plaçait de temps en temps quelques mots qui se distinguaient par le tour original de la pensée et de l'expression et que Mario recueillait avidement. C'est qu'en effet, le conseil de Madame von Eylau était sage. Faustine, en reparaissant dans le monde, avait accepté l'obligation de remplir ce que prescrivent les lois et les usages du monde. Elle s'efforçait de s'en acquitter, et cet effort même la sauvait de ses tristes pensées. « Elle est belle et elle est aimable », se disait Mario. La réunion de ces deux qualités est chose assez rare. Les jolies femmes se contentent d'être jolies, elles s'admirent et ne daignent pas contribuer par leur esprit à l'agrément des autres. Et il faut que les autres s'amusent, c'est une tâche fatigante. Et Mario jetait des regards pleins de dépit sur Lady Geraldine, qu'il retenait ainsi cloué devant un jeu d'échecs. Combien il aurait voulu contempler à son aise cette tête ravissante de Faustine, admirer son attitude si élégante et si naturelle, étudier ses gestes et suivre l'expression mobile de ses traits. Parfois il lui était permis de l'entrevoir un instant, mais on s'était groupé autour d'elle. Plusieurs personnes s'étaient placées entre eux et la lui dérobaient. Il ne pouvait l'apercevoir qu'à de rares intervalles, et toujours il la retrouvait avec une nouvelle physionomie. Il s'agitait donc sur son siège et cherchait à prendre une position plus favorable. Mais Lady Geraldine ne lui passait aucune étourderie, et tout en lui enlevant ses meilleures pièces, elle le grondait de son manque d'attention. Une faute décida contre lui du gain de la partie. Il se leva, joyeux d'être libre enfin et d'échapper à Lady Geraldine. Mais celle-ci n'était pas femme à lâcher prise. « Ah, comte !» lui dit-elle, d'un ton langoureux et en minaudant. « Vous vous êtes laissé battre tout exprès, ce n'est pas bien. Je mérite que vous me fassiez l'honneur de vous défendre. Je prétends vous donner votre revanche. Asseyez-vous là, et cette fois vous vous appliquerez, entendez-vous, ou je vous accuserai d'être peu flatteur à force de vouloir être galant. » Mario fut contraint d'obéir. Il se rassit, le dépit dans le cœur, déterminé à perdre cette seconde partie en moins de 5 minutes. Mais il comptait sans Lady Geraldine. Lady Geraldine s'obstina à lui parler de choses ou d'autres, et se mêla fréquemment à la conversation de ses voisins. C'était elle qui, cette fois, commettait des étourderies. En vain, les plus beaux coups lui étaient offerts, elle ne les voyait plus, ou dédaignait d'en profiter. Mario se désespérait. « Nous n'en finirons jamais, » se dit-il. « J'aurais plutôt fait combiner quelques maths qui me délivrent des mains de cette vieille folle. » Il se mit donc à jouer de son mieux, et Géraldine fait échec et mat au milieu de ses pièces. Mario se félicitait tout bas de sa liberté reconquise. « Ah, comte !» lui dit Lady Geraldine. « Ce n'est pas une victoire de bon aloi. J'étais fort distraite à mon tour, et vous en avez un peu abusé, soit dit sans reproche. Et puis nous voilà manche à manche. Voyons qui aura la belle. » « Peste soit de mon idée !» s'écria mentalement le comte. Il lui fallut commencer une troisième partie qui ne dura pas moins d'une demi-heure. L'avantage lui resta, mais quand, pressé de quitter l'échiquier, il parcourut des yeux le salon et chercha Faustine, elle avait disparu. Faustine s'était retirée de bonne heure. Renfermée dans sa chambre, elle écrivit ce qui suit. « Anastase, mon bien-aimé Anastase, revenez, je vous en conjure. Depuis 10 jours que je suis séparée de vous, j'ai compté les minutes et les secondes. Cet espace m'a semblé celui d'un siècle. Vous allez me reprocher ce que vous appelez ma folie. Vous allez me gronder de me laisser ainsi abattre. Que puis-je y faire? Est-ce ma faute? Vous n'êtes plus là, et vous, absent, je n'ai ni force, ni courage. Je suis comme un navire désorienté qui erre au hasard, ballotté au gré des vents et des flots. Si je parle, je me prends à songer que vous ne m'entendez pas. Si je garde le silence, je m'afflige à l'idée que mes pensées sont perdues pour vous. Il y a dans mon existence un vide affreux que j'aspire à remplir. C'est sans doute celui qu'éprouvaient les saints ermites du Moyen-Âge lorsque, fatigués de la vie, ils disaient « Je me lèverai et je retournerai à mon père. » Voyez-vous, Anastase, ce que Dieu était pour eux, vous l'êtes pour moi. Je voudrais voler auprès de vous, je voudrais me rejoindre à vous, je vous tends les bras. Hélas, je suis seul, et le fardeau de ma solitude m'oppresse et m'accable. Ce n'est pas la première fois que nous sommes séparés. L'année dernière, par exemple, j'ai passé 6 semaines loin de vous, auprès de ma sœur, et je vous l'avoue, cette épreuve m'a été moins cruelle, mais quelle différence! C'était la saison de l'été, et la nature, dans les beaux jours, prodigue ses consolations à ceux qui souffrent. Le parfum des fleurs, la verdure des prairies, l'ombre des bois, la splendeur des nuits étoilées, la pureté de l'air qu'on respire, tout vous parle, tout vous sourit, tout vous ranime. Et l'on oublie sa tristesse, quand tout autour de vous est joie et bonheur. Maintenant, la froide saison de l'hiver m'enferme chez moi et m'y retient captive. Il pleut, il neige, le vent hurle ou gémit. de grands nuages noirs traversent incessamment la voûte des cieux et assombrissent un jour déjà sombre. Je vois de ma fenêtre les feuilles jaunies des arbres enlevées par le souffle de la tempête et tourbillonnant dans les airs, tandis que les arbres eux-mêmes agitent tristement leurs branches nues et dépouillées comme s'ils racontaient le deuil universel. Eh bien, cette désolation générale me gagne malgré moi. Mon cœur se serre. J'ai peur. Et j'ignore de quoi. Je frissonne. Et je suis confortablement assise auprès du feu, dans ma chambre. Oh, Anastase, Anastase, que je suis faible. Et que n'êtes-vous à mes côtés? Que j'aimerais me blottir dans votre sein et y chercher la sécurité. Que n'êtes-vous là, mon ami, pour conjurer les vagues terreurs et les lugubres images qui me poursuivent? Je reprends ma lettre ce matin, Anastase. Je l'ai interrompue hier soir, car mon imagination malade évoquait autour de moi comme une foule de spectres. J'avais la fièvre. Le sommeil a dissipé tout cela. Le jour s'élevait pur et radieux, et j'en ressens la douce influence. Que voulez-vous? Je suis comme les petits oiseaux qui chantent gaiement quand le soleil brille et qui sont mornes et abattus quand il s'obscurcit. Je veux triompher de mes craintes imaginaires. Je veux me vaincre, et pour cela, je vais travailler. La peinture et la musique me distrairont et éloigneront de moi ce fantôme plus effrayant que tous les autres, l'ennui. Oui, les beaux-arts m'aideront à supporter votre absence. Ils me tiendront compagnie. Ils peupleront ma solitude de charmantes illusions. À tout prendre, Anastase, je suis encore une heureuse créature, et ce qui me rend mon bonheur plus cher, c'est qu'il me vient de vous, car je vous aime et vous m'aimez. Faustine mit à exécution le plan qu'elle s'était tracé. La musique et la peinture occupèrent tous ses instants. Elle dînait tard pour que ses soirées lui parussent moins longues. De temps en temps, lorsque le temps le permettait, elle faisait quelques promenades aux environs de la ville. Rentrée chez elle, elle prenait un livre et lisait jusque bien avant dans la nuit. Elle n'allait plus dans le monde. Elle ne recevait que ses amis les plus intimes, Madame von Eylau, Feldern, et un vieux diplomate nommé le comte Kirchberg, qui venait assez souvent lui rendre visite. « Comtesse, lui dit un jour ce dernier, faites-moi la grâce de m'expliquer une chose. Hier, le baron Feldern vous a demandé la permission de vous présenter son ami, le comte de Mengen, et vous avez refusé d'un ton de mauvaise humeur. »« De mauvaise humeur ? » répondit Faustine, se récriant. « Du moins, j'ai cru m'en apercevoir, et le baron s'en est aperçu comme moi. » « Eh bien, vous vous êtes trompés, tous deux. Le baron a la manie de vouloir me présenter tous ses amis, et surtout le comte de Mengen, que je ne connais pas. Il est fort bien posé dans le monde. Chacun fait son éloge. Je ne dis pas non, mais ce n'est pas une raison pour que je me montre si empressé de le recevoir. Au surplus, je n'ai pas refusé absolument. J'ai seulement demandé le temps de la réflexion. Quand je me sentirai d'humeur un peu plus sociable, le comte de Mengen sera le bienvenu, présenté par son ami Feldern. » À propos du baron Feldern, sa position vis-à-vis de Mademoiselle von Stein est encore pour moi une énigme des plus obscures. Vous savez cette histoire? Je sais ce que vous m'avez raconté de leurs amours à l'allemande. Est-ce qu'il est arrivé quelques complications nouvelles? Non, les choses demeurent telles qu'elles étaient. C'est-à-dire que Mademoiselle Charlotte ne montre pas le moindre désir d'être la femme du baron. Mais c'est très naturel chez une jeune personne, à la bonne heure. Mais elle témoigne une aversion marquée pour ce mariage. « Bon Dieu, que m'apprenez-vous? Si cela est ainsi, Feldern ne peut pas, ne doit pas persister dans sa demande. Son honneur et son repos veulent qu'il y renonce, épouser une femme malgré elle. C'est hasardé beaucoup, j'en conviens. Cependant, le baron persiste. Il prend la chose avec une tranquillité qui m'étonne. Je me rappelle qu'à son âge, mon cher comte, interrompit vivement Faustine, obligez-moi de passer chez lui et de me l'envoyer. » Vous l'envoyez, pourquoi? Pour le presser de se désister de sa poursuite. Le vieux comte haussa légèrement les épaules. Ma chère comtesse, réfléchissez à ce que vous allez faire. Un mariage est une chose extrêmement délicate. Votre intervention peut vous attirer deux ennemis et ne servir à rien qui vaille, car il est douteux qu'elle soit bien reçue. Le mariage est différé indéfiniment, peut-être n'aura-t-il jamais lieu. Laissez les deux amours s'arranger comme ils l'entendront et ne vous en mêlez pas. Que voilà bien le langage et les principes égoïstes de notre époque, s'écria Faustine. On donne au monde ce que le monde vous offre. Les apparences brillantes et trompeuses sous lesquelles il n'y a rien de vrai, rien de solide. On met en commun un peu d'esprit, un peu de gaieté, un peu de folie, voilà tout. D'amitié réelle, d'abnégation, de dévouement, il n'en est pas question. Ainsi vous, monsieur le comte, vous me prêchez pour que je contribue à l'agrément des autres. Quand je me plains de ce que la vie dissipée des salons m'excède et me fatigue, vous m'objectez gravement qu'on se doit à la société. Et quand je veux aller au secours d'un ami qui s'égare et lui montrer le droit chemin, vous me criez de m'arrêter et vous me parlez d'embarras et de risques personnels. Encore une fois, vous n'êtes tous que des égoïstes et ce monde tel qu'il se montre à mes yeux, je le méprise. Nous n'aurons pas de querelle à ce sujet, répliqua le comte de Kirchberg en souriant. J'ai assez vécu pour être de votre avis. Cependant, si vous m'en croyez, allez, dit Faustine avec une colère affectée. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, quoique pourtant je sois fort votre ami. Ce dernier mot me ferme la bouche et me renvoie le plus content des hommes. Soit, mais dites à Feldern qu'il vienne me trouver.